La marquise de Brinvilliers. Deuxième partie. Sainte-Croix rentrait dans la société qui l'avait un moment exilée, fort d'un secret fatal, à l'aide duquel il pouvait lui rendre tout le mal qu'il en avait reçu. Bientôt après, Exilie sortit à son tour, on ignore en quelles circonstances, et vint retrouver Sainte-Croix. Celui-ci loua une chambre au nom de son intendant Martin de Breuil. Cette chambre était située au cul-de-sac des marchands de chevaux de la place Maubert et appartenait à une dame brunée. On ignore si, pendant son séjour à la Bastille, la marquise de Brinvilliers eut occasion de voir Sainte-Croix. Mais ce qui est constant, c'est qu'aussitôt à la sortie du prisonnier, les deux amants se retrouvèrent plus amoureux que jamais. Cependant, ils avaient appris par expérience ce qu'ils avaient à craindre. Aussi résolurent-ils de faire au plus tôt l'essai de la science qu'avait acquise Sainte-Croix, et M. d'Aubray fut choisi par sa fille même comme première victime. Ainsi, elle se débarrassait d'un censeur rigide et incommode à ses plaisirs, tandis que du même coup, elle réparait, par l'héritage paternel, sa fortune à peu près dissipée par son mari. Cependant, comme lorsqu'on frappe un pareil coup, il doit être décisif, la marquise voulut auparavant essayer les poisons de Sainte-Croix sur quelqu'un d'autre que son père. À cet effet, un jour que sa femme de chambre, nommée Françoise Roussel, entrait chez elle après son déjeuner, elle lui donna une tranche de jambon et des groseilles confites afin qu'elle déjeunât à son tour. Cette fille sans défiance mangea ce que lui avait donné sa maîtresse. Mais, presque aussitôt, elle se trouva indisposée, éprouvant un grand mal à l'estomac et sentant comme si on lui eût piqué le cœur avec des épingles. Cependant, elle n'en mourut point, et la marquise vit que le poison avait besoin d'acquérir un plus grand degré d'intensité. En conséquence, elle le rendit à Sainte-Croix, qui, au bout de quelques jours, lui en apporta un autre. Le temps était venu de l'employer. Monsieur d'Aubray, fatigué des travaux de sa charge, devait aller passer ses vacances à son château d'Offemont. Madame la marquise de Brinvilliers s'offrit pour l'accompagner. Monsieur d'Aubray croyait ses relations avec Sainte-Croix entièrement rompues. Il accepta avec joie. Offemont était dans une retraite comme il convenait pour exécuter un pareil crime. Situé au milieu de la forêt de Lègue, à 3 ou 4 lieues de Compiègne. Le poison devait avoir fait des progrès assez violents lorsque les secours arriveraient pour que ces secours fussent inutiles. Monsieur d'Aubray partit avec sa fille et un seul domestique. Jamais la marquise n'avait eu pour son père les soins extrêmes, les attentions empressées dont elle l'entoura pendant ce voyage. De son côté, pareil au Christ qui, sans avoir eu d'enfant, avait un cœur de père, M. d'Aubray l'aimait mieux de se repentir que si elle n'avait jamais péché. Ce fut alors que la marquise appela à son aide cette terrible impassibilité de visage dont nous avons déjà parlé. Sans cesse près de son père, couchant dans la chambre voisine de sa chambre, mangeant avec lui, l'accablant de soins, de caresses, de prévenances, au point de ne pas vouloir qu'une autre personne qu'elle le servît. Il lui fallut se faire, au milieu de ses projets infâmes, un visage riant et ouvert, sur lequel l'œil le plus soupçonneux ne put rien lire que la tendresse et la piété. Ce fut avec ce masque qu'elle lui présenta un soir un bouillon empoisonné. « Monsieur Daubré le prit de ses mains. Elle le lui fit approcher de sa bouche. Elle le suivit des yeux jusque dans sa poitrine. Et pas un signe ne décela sur ce visage de bronze la terrible anxiété qui devait lui presser le cœur. Puis, lorsque Monsieur Daubré eut tout bu, qu'elle eut reçu sans trembler la tasse sur l'assiette qu'elle lui tendait, elle se retira dans sa chambre, attendant et écoutant. Les effets du breuvage furent prompts. La marquise entendit son père pousser quelques plaintes, puis, de ces plaintes, passer aux gémissements. Enfin, ne pouvant plus résister aux douleurs qu'il éprouvait, il appela à haute voix sa fille. La marquise entra. Mais, cette fois, sa physionomie portait l'empreinte de l'inquiétude la plus vive, et ce fut M. Daubré qui se trouva forcé de la rassurer sur son propre état. Lui-même ne croyait qu'à une indisposition légère et ne voulait point qu'on dérangeât un médecin. Enfin, il fut pris de vomissements si terribles, suivi bientôt de douleurs d'estomac si insupportables, qu'il céda aux insistances de sa fille et donna l'ordre d'aller chercher du secours. Un médecin arriva vers les 8 heures du matin, mais déjà, tout ce qui pouvait guider les investigations de la science avait disparu. Le docteur ne vit, dans ce que lui raconta M. Daubré, que les symptômes d'une indigestion, le traita en conséquence et retourna à Compiègne. De toute cette journée, la marquise ne quitta point le malade. La nuit venue, elle se fit dresser un lit dans la même chambre et déclara qu'elle seule le veillerait. Elle put donc étudier tous les progrès du mal et suivre des yeux la lutte que la mort et la vie se livraient dans la poitrine de son père. Le lendemain, le docteur revint. M. Daubré était plus mal. Ses vomissements avaient cessé, mais les douleurs d'estomac étaient devenues plus aiguës et des chaleurs étranges lui brûlaient les entrailles. Il ordonna un traitement qui nécessitait le retour du malade à Paris. Déjà, cependant, il était si faible qu'il hésita s'il ne se ferait pas conduire tout simplement à Compiègne. Mais la marquise insista tellement sur la nécessité de soins plus complets et plus intelligents que ceux qu'il pouvait recevoir hors de chez lui, que M. Daubré se décida à revenir à sa maison. Il fit le trajet couché dans sa voiture et la tête appuyée sur l'épaule de sa fille. Pas un instant, l'apparence ne se démentit. Et pendant tout le voyage, la marquise de Brinvilliers reste la même. Enfin, M. Daubré arriva à Paris. Tout avait marché selon les désirs de la marquise. Le théâtre de la scène était changé. Le médecin qui avait vu les symptômes ne verrait pas l'agonie. Aucun œil n'aurait, en étudiant les progrès du mal, pu en découvrir les causes. Le fil de l'investigation était brisé par la moitié, et les deux parties en étaient trop éloignées maintenant pour qu'il y eût chance qu'il se renouât. Malgré les soins les plus empressés, l'état de M. Daubré continua d'empirer. La marquise, fidèle à sa mission, ne le quitta point d'une heure. Enfin, au bout de 4 jours d'agonie, il expira entre les bras de sa fille, bénissant celle qu'il avait assassinée. Alors la douleur de la marquise éclata en sentiments si vifs et en sanglots si profonds que celle de ses frères parut froide auprès de la sienne. Au reste, comme nul ne soupçonnait le crime, il n'y eut point d'autopsie et la tombe se referma sans que le plus léger soupçon planât au-dessus d'elle. Cependant, la marquise n'avait atteint que la moitié de son but. Elle s'était bien fait une liberté plus grande pour ses amours, mais la succession de son père ne lui avait pas été aussi avantageuse qu'elle l'avait espéré. La majeure partie des biens avec la charge, ait été chu à son frère aîné et à son second frère qui était conseiller au Parlement. La position de la marquise se trouva donc médiocrement améliorée du côté de la fortune. Quant à Sainte-Croix, il menait large et joyeuse vie. Quoique personne ne lui connût de fortune, il avait un intendant nommé Martin, trois laquais nommés Georges, Lapierre et Lachaussée. De plus, et outre son carrosse et ses équipages, des porteurs ordinaires pour ses excursions de nuit. Au reste, comme il était jeune, comme il était beau, on ne s'inquiétait pas trop d'où lui venait ce luxe. C'était assez l'habitude à cette époque que les cavaliers, bien faits, ne manquassent de rien, et l'on disait de Sainte-Croix qu'il avait trouvé la pierre philosophale. Dans ses relations du monde, il s'était lié d'amitié avec plusieurs personnes, soit de noblesse, soit de fortune. Parmi ces derniers était un nommé Reich de Pénautier, receveur général du clergé et trésorier de la bourse des États du Languedoc. C'était un homme riche à millions, un de ces hommes à qui tout réussit et qui semble, à l'aide de leur argent, donner des lois aux choses qui n'en reçoivent que de Dieu. En effet, Reich de Pénautier était associé d'intérêts et d'affaires avec un nommé Dalibert, son premier commis, qui meurt tout à coup d'une apoplexie. Cette apoplexie est connue de Pénautier avant d'être connue de la famille. Les papiers qui établissent la société disparaissent on ne sait comment, et la femme et l'enfant de Dalibert sont ruinés. Le beau-frère de Dalibert, le sieur de la Magdeleine, a quelques vagues soupçons sur cette mort et veut les approfondir. En conséquence, il commence des recherches, mais, au milieu de ces recherches, il meurt subitement. En un seul point, le bonheur semblait avoir abandonné son favori. Maître Pénautier avait un grand désir de succéder au sieur de Mennevillette, receveur du clergé. Cette charge valait 60 000 livres à peu près. Et sachant que M. de Mennevillette allait s'en défaire en faveur de son premier commis, Messire Pierre Anivelle, sieur de Saint-Laurent, il avait fait toutes les démarches nécessaires pour l'acheter au détriment de ce dernier. Mais, parfaitement soutenu par messieurs du clergé, le sieur de Saint-Laurent avait obtenu gratis la survivance du titulaire, ce qui ne s'était jamais fait. Pénautier lui avait alors offert 40 000 écus pour le mettre de moitié dans cette charge. Mais Saint-Laurent avait refusé. Leur relation, cependant, n'était point rompue et ils continuaient à se voir. Au reste, Pénautier passait pour un homme si prédestiné que l'on ne doutait pas qu'un jour ou l'autre, il n'obtînt par un moyen quelconque cette charge qu'il avait tant convoitée. Ceux qui ne croyaient pas au mystère de l'alchimie disaient que Sainte-Croix faisait des affaires avec Pénautier. Cependant, le temps du deuil écoulé, les relations de Sainte-Croix avec la marquise avaient repris toutes leurs anciennes publicités. Messieurs Daubray en firent parler à Madame Brinvilliers par une sœur cadette qu'elle avait au couvent des Carmélites. Et la marquise s'aperçut que Monsieur Daubray, en mourant, avait laissé à ses frères la surveillance de sa conduite. Ainsi, le premier crime de la marquise avait été à peu près inutile. Elle avait voulu se débarrasser des remontrances de son père et hériter de sa fortune. Cette fortune qui ne lui était parvenue que diminuée par la part de ses aînés, au point qu'elle avait à peine suffi à payer ses dettes, et voilà que les remontrances renaissaient dans la bouche de ses frères dont l'un, en sa qualité de lieutenant civil, pouvait la séparer une seconde fois de son amant. Il fallait prévenir ces choses. Lachaussée quitta le service de Sainte-Croix et, 3 mois après, entra, par l'entreprise de la marquise, au service du conseiller au Parlement, qui demeurait avec son frère, le lieutenant civil. Cette fois, ce n'était point un poison aussi rapidement mortel que celui qui avait servi à M. Daubré qu'il fallait employer. La mort frappant si promptement dans une même famille aurait pu éveiller les soupçons. On recommença les expériences non pas sur des animaux, car les différences anatomiques qui existent entre les diverses organisations auraient pu mettre la science en défaut, mais, comme la première fois, on essaya sur des sujets humains. Comme la première fois, on expérimenta in anima vili. La marquise était connue pour une femme pieuse et bienfaisante. Rarement la misère s'adressait à elle sans être soulagée. Il y avait plus. Partageant les soins des saintes filles qui se vouaient au service des malades, elle parcourait parfois des hôpitaux auxquels elle envoyait du vin et des médicaments. On ne fut donc point étonné de la voir, comme d'habitude, paraître à l'Hôtel-Dieu. Cette fois, elle apportait des biscuits et des confitures pour les convalescents. Ses dons, comme toujours, furent reçus avec reconnaissance. Un mois après, elle repassa à l'hôpital et s'informa de quelques malades auxquels elle avait pris un vif intérêt. Depuis sa visite, ils avaient eu une rechute, et la maladie, tout en changeant de caractère, avait pris une plus grande gravité. C'était une langueur mortelle qui les menait à la mort par un dépérissement étrange. Elle interrogea les médecins. Les médecins ne purent rien lui dire. Cette maladie leur était inconnue et déjouait toutes les ressources de leur art. 15 jours après, elle revint. Quelques-uns des malades étaient morts. D'autres étaient encore vivants, mais dans une agonie désespérée. Squelettes animés, ils n'avaient plus de l'existence que la voix, la vue et le souffle. Au bout de 2 mois, tous étaient morts et la médecine avait été aussi aveugle dans l'autopsie du cadavre qu'elle ne l'avait été dans le traitement du moribond. De pareils essais étaient rassurants. Aussi, la chaussée reçut-il l'ordre d'accomplir ses instructions. Un jour, monsieur le lieutenant civil ayant sonné, la chaussée qui, ainsi que nous l'avons dit, servait le conseiller, entra pour demander ses ordres. Il le trouva travaillant avec son secrétaire nommé Coustet. Ce que désirait monsieur Daubré était un verre d'eau et de vin. La chaussée rentra un instant après avec l'objet demandé. Le lieutenant civil porta le verre à ses lèvres, mais à la première gorgée, il le repoussa en s'écriant « Mais que m'as-tu apporté là, misérable? Je crois que tu veux m'empoisonner !» Puis, tendant le verre à son secrétaire, « Voyez donc cela, Coustet !» lui dit-il. « Et qu'y a-t-il là-dedans ?» Le secrétaire puisa quelques gouttes de la liqueur dans une cuillère à café et l'approcha de son nez et de sa bouche. La liqueur avait l'odeur et l'amertume du vitriol. Pendant ce temps, la chaussée s'avança vers le secrétaire, disant qu'il savait ce que c'était, qu'un valet de chambre du conseiller avait pris médecine ce matin même, et que sans y faire attention, il avait apporté sans doute le verre qui avait servi à son camarade. À ces mots, il reprit le verre des mains du secrétaire, l'approcha de sa bouche, puis, feignant d'y goûter à son tour, il dit que c'était bien cela, qu'il reconnaissait la même odeur, et jeta la liqueur dans la cheminée. Comme le lieutenant civil n'avait point avalé une assez grande quantité de ce breuvage pour en être incommodé, il oublia bientôt cette circonstance et ne conserva rien du soupçon qui s'était instinctivement présenté à son esprit. Quant à Sainte-Croix et à la marquise, ils virent que c'était un coup manqué et au risque d'envelopper plusieurs personnages dans leur vengeance, ils résolurent d'employer un autre moyen. Trois mois s'écoulèrent sans que l'occasion leur parût favorable. Mais enfin, vers les premiers jours d'avril 1670, le lieutenant civil emmena son frère le conseiller passer les fêtes de Pâques à sa terre de Villequoix, en Beauce. La chaussée suivit son maître et reçut au moment de partir de nouvelles instructions. Le lendemain de l'installation à la campagne, on servit à dîner une tourte aux pigeonneaux. sept personnes qui en mangèrent se trouvèrent indisposées après le repas. Trois qui s'en étaient abstenus n'éprouvèrent aucune incommodité. Ceux sur lesquels la substance vénéneuse avait particulièrement agi étaient le lieutenant civil, le conseiller et le chevalier du guet. Soit qu'il en eût mangé en plus grande quantité, soit que l'essai qu'il avait fait du poison l'eût prédisposé à une impression plus grande, le lieutenant civil fut attaqué le premier de vomissements. 2 heures après, le conseiller éprouva les mêmes symptômes. Quant au chevalier du guet et aux autres personnes, elles furent en proie pendant quelques jours à des douleurs d'estomac affreuses. Mais leur état ne présenta point, dès l'abord, le même caractère de gravité que celui des deux frères. Cette fois encore, comme toujours, les secours de la médecine furent impuissants. Le 12 avril, c'est-à-dire 5 jours après l'empoisonnement, le lieutenant civil et le conseiller revinrent à Paris, si changés tous deux qu'on eût dit qu'ils venaient de faire une longue et cruelle maladie. Madame de Brinvilliers était alors à la campagne et n'en revint point de tout le temps que dura la maladie de ses frères. Dès la première consultation dont le lieutenant civil fut l'objet, tout espoir de la part des médecins fut perdu. C'étaient les symptômes du même mal auquel avait succombé M. d'Aubray père. Ils crurent à une maladie héréditaire et inconnue et condamnèrent hautement le malade. En effet, sa position alla toujours en empirant. Il avait une aversion insurmontable pour toute espèce de viande et ses vomissements ne cessaient pas. Les 3 derniers jours de sa vie, il se plaignit d'avoir comme un foyer brûlant dans la poitrine, et la flamme intérieure qui le dévorait semblait sortir par ses yeux, seule partie de son corps qui demeura vivante encore, quand le reste n'était plus déjà qu'un cadavre. Enfin, le 17 juin 1670, il expira. Le poison avait mis 72 jours à faire son œuvre. Les soupçons commencèrent à poindre. Le lieutenant civil fut ouvert et procès-verbal de l'autopsie fut dressé. L'opération faite en présence de messieurs Dupré et Durand, chirurgiens, et Gavard, apothicaire, par M. Bachot, médecin ordinaire des deux frères, ils trouvèrent l'estomac et le duodénum noirs et s'en allant en morceaux et le foie gangréné et brûlé. Ils reconnurent que ces accidents avaient dû être produits par le poison, mais comme la présence de certaines humeurs amène parfois les mêmes phénomènes, ils n'osèrent affirmer que la mort du lieutenant civil ne fut point naturelle, et il fut enterré sans qu'aucune recherche ultérieure fût faite. C'était surtout comme médecin du conseiller que M. Bachot avait réclamé l'autopsie de son frère. Il paraissait atteint de la même maladie que son aîné, et le docteur espérait trouver dans la mort même les armes pour défendre la vie. Le conseiller éprouvait une fièvre ardente et était en proie à des agitations d'esprit et de corps dont la violence était extrême et sans relâche. Il ne trouvait aucune situation qu'il pût supporter au-delà de quelques minutes. Le lit était pour lui un supplice, et cependant, dès qu'il l'avait quitté, il le redemandait pour changer du moins de douleur. Enfin, au bout de 3 mois, il mourut. Il avait l'estomac, le duodénum et le foie dans le même état de désorganisation qu'on les avait trouvés chez son frère, et de plus, le corps brûlé extérieurement. Ce qui était, dirent les médecins, un signe non équivoque de poison. Quoi qu'il arrive cependant, ajoutèrent-ils, qu'une cacochimie produise les mêmes effets. Quant à la chaussée, il fut si loin d'être soupçonné de cette mort que le conseiller, reconnaissant les soins qu'il avait reçus dans cette dernière maladie, lui laissa par testament un legs de 100 écus. D'un autre côté, il reçut 1000 francs de Sainte-Croix et de la marquise.